Chapitre 9e. On ne s'imagine pas avec quelle rapidité les bruits se répandent à Paris. Notre duel avait été arrêté en quelques heures. Il n'était connu que d'un petit nombre d'initiés. Il devait avoir lieu dans une propriété privée appartenant à un ami de M. Legros, mon directeur de journal, et malgré tout, quand nous arrivâmes sur le lieu de la rencontre, nous le trouvâmes envahi par une armée de reporters, de photographes de journaux et d'employés de cinéma, juchés sur les murs du parc et jusque dans les arbres. J'avais recommandé à Joseph de me réveiller à 6h30 pour que j'eusse le temps de faire ma toilette avant l'arrivée de mes témoins qui devaient venir me prendre, mais je dormais tellement qu'il fut obligé de cogner ma porte à plusieurs reprises. Et ce fut Raymond qui m'avertit que l'on m'appelait. Elle n'avait guère dormi, elle, la pauvre petite, et au cours de cette nuit, qui devait être pour nous une nuit de bonheur, car c'était notre vraie nuit de noces, elle avait surtout pleuré. Mais maintenant que l'heure suprême était arrivée, elle se montrait toute vaillante pour ne pas affaiblir mon courage. Elle comprenait que le moment des larmes et de l'attendrissement était passé, et que j'avais besoin de tout mon sang-froid. Et après m'avoir embrassé avec toute la tendresse qu'elle put mettre en ce baiser, elle fut la première à me dire « Va t'habiller. Ne fais pas attendre tes amis. » Je sautai à bas du lit et passai aussitôt dans le cabinet de toilette. En moins d'une demi-heure, j'étais prêt. Je revins près de Raymond, qui s'était levé aussi, désirant lui consacrer les quelques minutes pouvant me rester avant l'arrivée des témoins. Ma pauvre chère femme avait bien encore les yeux rouges, mais elle me dit « J'ai confiance en toi, je sens que tu nous vengeras. » « Moi aussi, » fis-je, « j'en ai l'assurance, autrement le ciel ne serait pas juste. » « Tu n'es pas un peu ému ?»« Du tout. » En effet, jamais peut-être je n'avais été plus calme. « Tu es brave, » me dit Raymond. Et je vis dans ses yeux un sentiment d'admiration qui me fit un sensible plaisir et m'aurait enflammé d'ardeur si j'en avais eu besoin. Mais à cette heure, au moment où je me disais que dans quelques instants je serais, une arme à la main, face à face avec mon ennemi, il n'était pas nécessaire qu'on m'exaltât. Toute ma haine m'était remontée au cœur, si je puis m'exprimer ainsi, et j'éprouvais un âcre plaisir à penser qu'il me serait enfin permis de venger les souffrances de ma chère femme et de satisfaire ma propre rancune. Je ne songeais pas à autre chose et ne pensais guère au danger que je pouvais courir. J'attendais avec une impatience fébrile la venue de mes témoins et j'avais hâte d'infliger à mon adversaire le châtiment qu'il avait si bien mérité. Je n'eus pas à attendre longtemps. Un coup de sonnette se fit entendre et Joseph courut ouvrir. Il savait quelle visite je devais recevoir, car il était au courant de ce qui allait se passer. « C'est M. Bordin, » vint-il annoncer. C'était mon rédacteur en chef, mon premier témoin. Il arrivait d'un air tout guilleret, sans doute pour ne pas m'impressionner, comme si rien de grave n'allait se passer. « Eh bien, » fit-il, « est-on prêt ?»« Je vous attendais. » « Monsieur Legros est en bas avec son médecin. » Il avait salué ma femme respectueusement. « Madame n'est pas trop émue ?»« Pas du tout, monsieur, » dit Raymond, affectant un calme qu'elle était loin d'avoir. « C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas à se frapper. Tout se passera bien. Vous venez, cher ami ? Je vous suis. » Je serrai une dernière fois dans mes bras ma pauvre femme, qui avait le cœur bien gros, et faisait des efforts inouïs pour me cacher ses inquiétudes. Puis, ayant peur de m'attendrir, je m'empressai de rejoindre mon témoin. En bas, je trouvai Riquet. « Je suis venu pour vous serrer la main et vous souhaiter bonne chance. Je vous remercie, mon ami. Et je vais aller là-bas pour voir ce qui se passera. Non que j'ai des craintes, mais je ne serai pas fâché d'apprendre que ce gredin aura reçu la leçon qu'il mérite. Et puis, j'ai mon idée. » Le policier n'en dit pas plus long et s'éloigna. Je ne sus que plus tard ce qu'il avait voulu dire par ces mystérieuses paroles. Il était décidé, si le sort m'avait été contraire ou s'il trouvait le Bulgare insuffisamment puni, à faire arrêter celui-ci sur le champ. Mais il ne fut pas nécessaire, ainsi que vous le verrez tout à l'heure, d'employer ce moyen. Dans l'auto, M. Legros me présenta à son médecin, qui avait bien voulu, sur sa demande, se mettre à ma disposition. C'était un homme charmant, très gai. « Je suis persuadé, me dit-il, que vous n'aurez pas besoin de mes services, mais cela inspire toujours confiance de savoir qu'on a un médecin sous la main. Surtout un médecin renommé comme vous, monsieur, et dont le talent bien reconnu rendrait la vie à un mort. » Le docteur éclata de rire. « C'est un peu exagéré, » fit-il, « mais j'accepte tout de même le compliment. Cela flatte toujours un médecin quand on a l'air de croire qu'il ne tue pas les gens. » Pendant tout le trajet, assez long bien que l'automobile marchât vite pour dépister d'autres autos qu'on avait aperçus guettant notre départ au coin de la rue, On parla de tout excepté du duel, du dernier succès théâtral, des potins de Paris, et en nous voyant rire et plaisanter, on eût cru que nous nous rendions à une partie de plaisir plutôt qu'à une rencontre pouvant avoir un dénouement tragique. Quand nous arrivâmes devant la propriété où le duel devait avoir lieu, nous fûmes fort surpris de voir, ainsi que je l'ai dit, des reporters et des photographes installés sur le sommet de la muraille enclosant le parc. « On sait donc, demandai-je, qu'il va y avoir un duel. Il faut le croire. C'est pour nous que tout ce monde est là ? Assurément. » J'étais fort contrarié. J'aurais voulu que l'affaire passât inaperçue, et qu'on n'en connût pas les motifs, surtout. Mais j'étais journaliste, et ne pouvais blâmer mes confrères de leur indiscrétion. À leur place, j'aurais fait comme eux. Il n'y avait donc qu'à s'accommoder de leur présence. Plusieurs me connaissaient et me saluèrent quand je descendis de l'auto. Je leur rendis leur salut et m'engouffrai précipitamment dans l'ouverture du portail. L'auto ne pouvait aller plus avant, les allées étant trop étroites. Le propriétaire de la villa était à l'entrée pour nous recevoir. Il avait tout fait préparer pour que nous ne manquions de rien. « J'ai fait éloigner le plus possible les curieux, » nous dit-il, « mais quelques-uns y ont mis tant d'acharnement que j'ai dû y renoncer. Je n'ai pu les empêcher de monter sur le mur et dans les arbres. Ils sont là maintenant comme chez eux, avec des appareils de toutes sortes. Il faudrait tirer dedans pour s'en débarrasser, et je ne sais pas si nous y arriverions. « Vous n'y arriveriez pas, » dis-je en riant, « ce sont des journalistes et des gens de cinéma, car il y a le cinéma aussi qui s'en mêle. » « Ils font leur métier, dis-je, il faut les laisser faire. » L'ami de M. Legros nous apprit que mon adversaire n'était pas encore là, et il nous offrit d'entrer chez lui pour nous chauffer et prendre un cordial quelconque. Il ne faisait pas chaud, en effet. La veille, le temps avait changé brusquement, et il avait plu une partie de la nuit. Maintenant, il faisait presque beau. Nous allions pénétrer dans la villa à la suite de notre hôte quand on entendit au dehors le ronflement d'une auto. En même temps, nous vîmes les photographes mettre précipitamment en batterie leurs appareils, comme ils l'avaient déjà fait quand je m'étais montré. Nous comprîmes que l'adversaire arrivait. En effet, nous vîmes bientôt Grégorio faire son entrée, flanqué de ses deux témoins et d'un médecin. Le propriétaire nous quitta précipitamment pour aller le recevoir, et mes témoins allèrent se mettre en rapport avec les siens. Nous n'entrâmes pas dans la villa, et tout de suite on se mit aux préparatifs de la rencontre. Je pus alors apercevoir mon ennemi. Il se tenait à distance, causant avec son médecin qui avait l'air d'être de même race que lui. Il me parut que le Bulgare était légèrement fiévreux. Son visage avait, par moments, des contractions nerveuses, et ses mains étaient agitées. On voyait qu'il faisait des efforts pour paraître tranquille. Avait-il peur? Avait-il des remords de ce qu'il avait fait? Je ne saurais le dire, mais sa physionomie était loin d'être calme comme la mienne. Je fis cette constatation avec plaisir. Je voyais là comme une sorte de représage. D'après les clauses du combat, 4 balles devaient d'abord être échangées à 25 pas, avec faculté d'avancer de 5 pas. On commença donc par tirer au sort le choix des armes et du terrain, puis on chargea les pistolets et on mesura les distances. Quand le directeur du combat, qui était mon rédacteur en chef, vint me dire que tout était prêt et me mettre le pistolet en main, quand j'eus pris la place que le sort m'avait assignée, j'éprouvais une étrange sensation. Je n'avais pas peur, mais je me disais, vais-je le tuer? Vais-je venger Raymond? Je ne sais ce que pensait de son côté mon adversaire, mais je le vis me lancer un coup d'œil où je crus remarquer de l'effroi et de la férocité tout à la fois. Je compris combien cet homme me détestait, et il désirait sûrement aussi ardemment ma mort que je souhaitais la sienne. J'eus la sensation qu'il ne me ferait pas de quartier et qu'il fallait que l'un de nous deux succombât. Une mort seule pouvait mettre fin à ce duel peu ordinaire. On eût dit que les témoins sentaient cela comme nous, car ils étaient devenus subitement graves, impressionnés même. Et une atmosphère tragique tomba sur nous, nous enveloppa, quand nous levâmes nos armes. Au même instant, un coup de vent passa, faisant frémir les branches voisines, et des oiseaux s'enfuirent en criant, comme s'ils avaient ressenti ce qu'allait se passer. Cependant, la voix du directeur de combat venait de s'élever au milieu d'un profond, d'un solennel silence. « Messieurs, êtes-vous prêts ?» Puis un claquement de main très net et le commandement. « 1, 2... » À ce moment, mon adversaire tira. J'entendis sa balle passer en sifflant tout près de moi. Mais je n'étais pas touché. J'attendis le mot « trois » sans tirer. Puis je fis un pas en avant et levai mon pistolet. Une détonation, un grand cri, puis une sorte d'affolement autour du Bulgare qui venait de tomber. Reporter, photographe, tout le monde s'était précipité. Et bientôt, on vint m'apprendre le résultat. Grigorio était mort. Je l'avais tué net. Je courus vers l'auto pour aller annoncer la nouvelle à Raymond. Mais elle était là. Elle était venue, sans me le dire, accompagnée de Riquet. Elle tomba dans mes bras en sanglotant. « Oh, que j'ai peur !» Moi, je ne trouvais que ces mots. « Vengé, libre !» Et je m'esquivais avec ma chère femme pour échapper aux questions, aux demandes d'interview des reporters. Mais je ne perdis rien pour attendre, car je les retrouvais chez moi. Je leur dis ce que je voulus, et jamais on ne sut ce qui s'était passé, que Raymond avait été enlevé et que c'était son ravisseur que j'avais tué. Ainsi s'achève, disparu, par Jules de Gastine.